La presse sud-coréenne Yonhap News fait savoir que les bellicistes sud-coréens envisagent de livrer du 22 au 25 août prochain les exercices Ulti sur toute l'étendue sud-coréenne. Les autorités prétestent absurdement on ne sait quel cyberattentat et perturbation de GPS par le Nord pour les effectuer en donnant l'accent sur l'élargissement et l'intensification des exercices pratiques.